Sur des choses, j'ose Then you did, you know, go through, that's respect for the when you set the dialectics of the school system. Was that when you did the vessel, when you go? So we got so that. Se si fa è più aggettato, se non parlate, se non parlate, se non se non parlate, se non parlate, se non parlate, se non parlate, se non parlate, se non parlate, se non parlate, se non parlate, se non parlate, se non parlate, se non parlate, la vérité, il y a quand même quelques remarques très importantes à faire, que ça, je me prends obligé de faire certaines aujourd'hui, très importantes à faire, donc, de laisser tout ça, ça à la portée des innocents, donc ils sont serviteurs et à travers ce qui est vraiment monnaie courante. Parfois dans mon entourage. À Vincennes, là où je vais faire un tour, il y a 8 jours, il y a une histoire. Fut marqué succinctement. Le jour que j'avais répondu à l'invitation, j'ai commencé ça, je vous l'avais d'ailleurs aussi annoncé ici la dernière fois. Pour, en quelque sorte, vous donner le bon départ. Une référence qui, elle, est loin, n'est-ce pas, d'être innocente, c'est même bien sûr pour ça qu'il faut y apprendre. Nous lisons dans l'analyse terminable et interminable. Quelque chose qui concerne ce qu'il en est de l'analyse. Oh, j'ai remarqué, n'est-ce pas? J'aurais bien tort de lui demander un excès, normalité, correction psychique. Est-ce que ça devrait être rare? Et puis, justement, une indignité n'est pas avancée. Enfin, ce n'est pas super agressif, il n'est pas aligné. Que la relation analytique est fondée à la Wahrheitsliebe, c'est l'amour de la vérité, das heißt, à l'anerkennung de la réalité. C'est l'amour de la vérité, ce qui veut dire reconnaissance de la réalité. Le mot que même si vous ne savez pas l'allemand, vous le trouvez, puisqu'il est décalqué sur notre latin. Il est en concurrence dans les emplois qu'on fait preuve avec le mot vertical. Il est ici à l'occasion, signifie ce que les traducteurs, sans chercher plus loin, traduisent tout uniquement dans les deux cas par réalité. C'est un cas du comme ça, je propose un petit souvenir de l'espèce de écumant, le prix un couple, et plus spécialement un deux, enfin, je peux même bien l'appeler, c'est pas du tout par hasard, l'espace d'un homme de la planche, parce que je sais que c'est. Il y a une certaine rôle dans les avatars de relation avec l'analyse. La cosa è che devono essere a noi, che non posso discutere le compagnie, non tornano a voi, a voi, a voi, a voi, a voi, a voi, a voi, spesso di passione, la vedete, c'è poi c'è due personaggi, peut-être d'être devancé par l'eau, dans ce traumatisme, l'éternité tout à fait première, importante. Pseudo-mépris, monté, montré, ce fillon-là, je ne sais pas, mais tout de même quelque chose d'assez intéressant. Et la phrase « Nous ne nier qu'on chien et trou qu'on chiste » et exclut cette relation réalité que tout chien, tout faux semblant, tout du haut du peuple. C'est une très riche phrase comme ça. Parce que, de leur côté, c'est tout de suite dans les livres qui viennent. Quand ça vous est qui apparaît, malgré le petit salut, en fait, l'amitié, je fais le passage de la Méduste, c'est qu'en somme, il y a Beinheit et Notchheim, on est tout près d'avoir vraiment toute l'apparence. Je, dans un analyse, fonction analytique, l'acte analytique, vérité, ça ne peut pas dire autre chose que ce terme que j'ai employé comme titre dans mes séminaires serait le troisième de chacune de ces mille des mots. Et une religion entre guillemets. Je veux dire qu'il cite, une moyenne, chose d'ailleurs que les œuvres d'ailleurs. Freud cite en quelque sorte, en faisant référence lui-même au fait qu'il l'aurait déjà dit. On ne sait pas, on n'a pas trouvé très bien nous, on l'avait dit une première fois. Peut-être ma recherche est incomplète, peut-être dans les lettres à plus qu'il aura appelé pour la première fois. Après ces trois professions dont il s'agit, il les appelle dans ce passage antérieur à le dire, le dire, le courir, parce qu'évidemment, le conforme à l'usage du lieu commun qui en est fait, qui est pour lire une carte, une analyse est nouvelle, et pour que Freud y range l'analyse, c'est évidemment en substitution à ce qu'on dit du fait de ce qui est trois professions, si tu as de profession, c'est impossible, c'est donc le dire, le dire, l'analyser, c'est-à-dire le gouverner, l'écouter, l'analyser. On a manqué de recouvrement, de certitude avec laquelle se rapporte cet affaire avec ce qui s'est cette année constituant le radical pouvoir de quatre discours. Ce discours étant bien entendu l'articulation, c'est évident. L'appareil se présente, le statut existant domine de certes et gouverne tout ce qui peut y surgir à l'occasion de parenter. Discours dont il s'agit, je me suis dit un jour, ce sont des discours sans la parole vient s'y loger ensuite de son peuple. Que je peux vous dire de propos de ce phénomène enivrant, dit de la prise de parole, la prodérage, je ne sais pas, discours dans lequel ça I say, ce n'est de nature de dans la tente à ce que on ne prenne pas sur sa marche qu'on fait. Le bonheur, je me sens comme ça en marche, il est bien évident que. D'usage du genre et moi mec de la parole je peux pas me donner les repas de réaliser que c'est l'animal domestique. Voilà. Dans ce cas-là, alors, au niveau de l'animal domestique, il est tout à fait clair que il correspond très barré. Il a bien fallu un certain savoir pour domestiquer le chien, par exemple. Là, c'est un doigt long. sur la parole qui n'a pas l'absence de doute de notre esprit. Dans la profondeur exprimée en elle, il discute. Grâce à quoi, ça n'est jamais n'importe quand ni n'importe comment que la parole fonctionne comme ça. Mais il faudrait bien évidemment faire attention parce que, on répond à fin de la pointe, au but de ces remarques. Rien à ceci de faire de s'étonner, de se poser plus ou moins la question comment il peut se faire que qui s'entend si merveilleusement bien à avoir l'intime de cette domination, comment se fait pour M. Marlon. C'est qu'exploiter ou pas les travailleurs, le travail n'a jamais été autant à l'honneur que l'humanité existe. Elle exclut le bien qu'on travaille partout. Le succès, ça, quand même. C'est ce que j'appelle le discours du maître. Julien Dupossel, une famille qui dépasse certaines limites. Il arrive à ce quelque chose que je ne sais plus pour être l'invitation. J'espère que vous en souvenez, mais si vous ne vous en souvenez pas, parce qu'il est possible de vous le rappeler tout de suite. C'est une mutation qui donne son style capitaliste et capital. Alors pourquoi, mon Dieu, est-ce que ceci qui ne se passe pas par un hasard, n'est-ce pas? Il aurait tort de croire qu'il y a quelque part de savants politiques qui calculent bien exactement ce qu'il faut faire. On aurait également tort de croire qu'il n'y en a pas. Il y en a. C'est pas sûr qu'il soit toujours à la place. Il faut agir concrètement. Mais dans le fond, ce n'est pas ça qui est tellement d'importance. Il suffit qu'il soit même à une place pour que, quand même, ce qui est de l'ordre de déplacement des discours se transmette. Alors, si on se pose la question, mon Dieu, comment est-ce que cette société capitaliste peut s'offrir le luxe de permettre le relâchement de ce discours universitaire qui n'est pourtant qu'une de ces transformations telles que je vous l'expose tout au moins que je ne garde tout par rapport à notre histoire humaine. C'est une question qui vient de l'envisager. D'être envisagé, ceci est la question qui peut se poser, ceci. Est-ce que, en quelque sorte, abonder dans ce relâchement, on ne tombe pas dans un piège, c'est pas une idée nouvelle. Déjà, tout ça, ce petit article, comme on l'a expressément demandé, le journal, c'était singulier, parce que c'est le seul qui a une réputation d'équilibre et de qualité, qui s'appelle le monde. Vous m'assistez pour que je réalise cette petite page terminée de l'organisation de la psychiatrie, mais en fait, je vais parler à propos de la réforme, à propos de ça. Malgré cette insistance, il est assez frappant. Nous, il est aussi un petit article que je voudrais un jour, comme ça, à la traîne, ni indietro e passi. Subitamente quando ho andato e sentito me qui nel fondo sono tutti non è soprattutto di me come mi descrivono in sette sfere perché sono certo che così ho pensato diversi tutti. E mon Dio a un certo momento la tua certa scrupule apporter correctement à ce que j'appelle les termes sur certains discours fondamentaux, on peut les regarder à deux fois avant de se précipiter profiter de cette ligne qui s'ouvre. C'est une responsabilité de véhiculer la charogne dans ces couloirs-là. C'est de ça que remarque, aujourd'hui, là, nous sommes d'être articulés. Parce que les deux ne sont pas courants, ne sont pas communs, et que c'est comme pareil. On va voir, au moins la notion, enfin, n'est-ce pas, que ça, ça pourrait servir de lier, de pince, ou que ça peut se visser, ou que ça peut se construire de telle ou telle façon. Voilà, eh bien, il y a plusieurs termes. Si je me remets ici de cette étiquette, c'est vraiment pas au hasard, c'est parce que je ne veux pas y mettre. Choses comme ça qui ont d'apparence de signifier, parce que je veux en quelque sorte c'est signifier d'aucunement les autorisés, n'est-ce pas? C'est déjà un peu plus les autoriser que les écrire. J'ai déjà parlé de ce qui constitue les places. Les places, c'est si bien s'inscrivent. J'ai déjà fait un sort à ce qu'il en est de l'agent. Ceci vient pour souligner que sort béni fait que la langue française, l'agent n'est pas du tout forcément celui qui agit, mais celui qui est frais d'agir. Disons que, bien sûr, comme on peut déjà le soupçonner, la place du maître est bien évidemment de toute probabilité définie par ceci. C'est pas tout clair, hein, que le maître fonctionne. Et que la meilleure des choses qu'on puisse demander, enfin, c'est ce que finalement on n'a pas attendu de faire, mais le mérite bien de se rappeler à ça. Mais il faut la garder plus près. Parce que c'était un. C'est très ennuyeux de penser qu'en fin de compte, il n'y a peut-être pas 6-7 personnes qui ont même envie de dire que j'en parle, c'est une idéologie qui est si prévue. Pourquoi je ne veux pas demander que je lève la main. Très emmerdant que. J'ai entendu jusqu'à présent même personne qui voulait parfaitement lu, puisque moi-même aussi, je voulais avouer que ça a été dans tous les coins. une lettre à Alexandre Kojève, évidemment, une fois démontré, et puis que ça a une autre personne. De Reykjavik ne croit le pacte, ça qui devrait nous dire la généalogie de l'esprit d'une façon lumineuse. Donc, en fait, tout ce qu'il peut y avoir dans les notes de Kojève, je l'ai eu même, je l'ai repassé, c'était vraiment superflu. Ce qui est inouï, de ce fait, c'est que, quand on dit, faire remarquer que la critique de la raison pratique se manifeste dans un livre d'érotisme extraordinairement drôle de ce qui se publie chez le Spectre. Si je vous dis que la généalogie de l'esprit, enfin, c'est l'humour fou. Et bien, ça ne rappelle plus les résultats. Mais pourtant, c'est bien que ça qu'il s'agit. C'est vraiment la chose la plus extraordinaire qui soit, c'est un humour aussi froid, qui est un noir. Une chose dont on peut être absolument convaincu, enfin, c'est absolument bien ce qui fait le métier. Ce qu'il fait, c'est faire passer la muscade vers l'autre. Et de foutre tout le monde dedans. Ceci, bien sûr, à partir du fait que ce qu'il dit, c'est la vérité. Il n'y a évidemment pas de meilleure façon d'épingler le signifié esprit et la table identifiée à la mort. Et alors, de quoi s'agit-il ? Se montrer dans une dialectique qui s'exprime, c'est le zénith. Monter la pensée de la fonction de ce terme. Qu'est-ce que c'est, en somme, de l'entrée en jeu de cette brute dans la phénoménologie de l'esprit, comme il s'exprime. Mais c'est absolument séduisant. Sensationnel. La vérité de ce qu'il articule, nous pouvons la lire vraiment en face. Condition, bien sûr, de nous laisser prendre par ce texte. Parce que moi, ce que j'articule, c'est que justement, je ne peux pas s'en lire en face. La vérité donc de ce qu'il articule, c'est ceci, c'est le rapport à ce réel. En tant proprement qu'impossible. Tout à fait, on revoit pas bien. Pourquoi ? Pourquoi il y aurait qui sortirait de la vie d'abord, de pur prestige, comme on dit, comme il dit, enfin, qu'il en résulterait cet étrange agencement de départ. Et, c'est qu'il trouve le moyen, mais bref, dans une conception de l'histoire, qui fait toucher de ce qui en émerge. À savoir de la succession, en fait, de phases, de dominantes, de compositions du jeu de l'esprit. Il se situe le long de ce fil qui n'est pas rien que très précisément jusqu'à lui. Ce qu'on appelle la pensée philosophique. Et que de cela, il retourne en fin de compte, c'est l'esclave, par son travail, qui donne la vérité humaine, en le repoussant dans les sous, dans ce signe, la vertu. De ce travail, un travail forcé, vous devez noter au départ. L'esclave arrive à la fin de l'histoire, à ce dernier qui s'appelle le savoir absolu. Rien n'est dit de ce qui arrive alors. Parce que la vérité est dans la composition hegelienne. Il n'y a pas qu'à perdre. Il y avait d'abord le maître. Et puis l'esclave, qui avait l'esprit ici, que je pouvais aussi mettre dans des termes, une sens à laquelle, premièrement, il n'y a pas voulu renoncer, deuxièmement, il y a bien fallu justement à cause de sa violence. C'est à savoir qu'il se trouve dans son équivalent de travail. Grâce à quoi, le séminaire de mutation dialectique au talent évoluait qui s'institue à partir de ce moment et qui traverse fil à fil le développement de la culture, à la fin de l'histoire nous répond. De ce savoir qu'on ne qualifie pas d'achevé, on a bien ses raisons pour ça, mais absolument incontestable. L'être n'a pas plus que d'avoir été l'instrument de coutume magnifique. Ce qu'il y a d'absolument sublime dans cette remarquable déduction dialectique, c'est qu'elle a été entreprise et, si l'on peut dire, réussie, car tout au long, prenons l'exemple de ce qu'il peut dire, par exemple, de la culture, tout au long des remarques de l'hypertension. Quant au jeu, des incidences, des exercices de l'esprit, de la foisonne, je vous répète, il n'y a rien de plus drôle. La ruse de la raison, lui dit-il, c'est depuis le début ce qui a dirigé tout ce jeu. Cette ruche de la région est évidemment un très bon terme, mais ce qui est pour nous réaliste, et pour nous garde sans crime de ceci, que nous pouvons le suivre, tout ça, au niveau d'un certain béatat, raisonnable ou pas, car nous avons affaire à quelque chose de très réussi dans sa part. Il s'agit de la construction. Selon le comble, cette ruse n'est pas la réponse, n'est-ce pas? C'est la ruse de la raison, sans doute, mais il faut bien quand même tirer son chapeau à la ruse du raisonnement. S'il était possible, le début du siècle dernier, au temps de la bataille d'Iéna, cet extraordinaire entourloupette, qui s'appelle la phénoménologie de l'esprit, est Le pouvoir a été réussi. Mais non, ne pas tenir un seul instant. Que nous nous rapprochions en quoi que ce soit de l'ascension. Est-ce que là, esclave, des erreurs incroyables faites, mettre à son bénéfice, au bénéfice de son travail, un progrès comme on dit, quelqu'un du savoir, une extraordinaire futilité. Mais est-ce que j'appelle la ruse du raisonneur, elle est là pour nous permettre de qui et à laquelle il faut prendre garde. Ça, c'est si donc nous désignons la place de la chasse, soit le même, puisque tous les autres vont y passer à si la question est celle-ci. Qu'est-ce qui cet agent lui fait agir? Comment est-ce qu'il se porte ainsi? Autour de quoi tourne ce qui, à proprement parler, mérite peut-être signalé une interprétation, comment peut-il se produire? D'ici à un certain niveau, donc, retrouvons le terme de à se mettre d'être au monde de la vie. Alors, j'ai mis donc la vérité de la vie de ce plan avec une voie d'interrogation qui est prise au cul, car enfin ça ne dure pas toujours. C'est là depuis les temps historiques que vous mettez en jeu cet âge. C'est une bonne chose de s'apercevoir à propos d'un cas tellement brillant, tellement éblouissant, que justement à cause de ça, on n'y pense pas, on ne le voit pas. Le dégain, c'est très intense, et sublime pour le travail du discours, du savoir. Du savoir universitaire. Nous autres en France, n'est-ce pas, nous n'avons jamais de philosophes que des gens comme ça qui courent les routes. Des petites sociétaires, des sociétés provinciales, comme même de Biran, des cartes, qui se baladent à l'Europe, il faut tout de même savoir le lire, mais aussi de temps de son temps. Qui parle de ce qui peut attendre de sa naissance, on voit quand même des gens de type sénateur, je ne sais pas qui peut paraître, mais on est là. Enfin, chez nous, enfin, c'est pas l'université qu'on trouve de philosophes. On peut mettre ça à mon avantage. En Allemagne, c'est à l'université. Et la vie pour moi, c'est ceci. C'est ce qu'on est capable de penser à un certain niveau de statut universitaire. De penser au fait que nos petits et charmants, ceux qui continuent à ce moment-là, qu'ils font entrer dans la grande ère du trimage, de l'exploitation à mort, celle de l'air industriel, on va les prendre à la révélation de cette vérité. Coupure milieu de bande. Allez pour faire partir la musique au départ. C'est une remarque qui a son et que j'entends souligner avec force. Ceci en raison de la trace qu'on a nous dire que la relation adorée doit être fondée sur l'amour de la vérité. Sens à ce qu'avancé Hegel, c'est bien justement ce que Freud avait pourtant découvert, qu'il a qualifié de ça comme il a pu d'instinct de mort, savoir le caractère radical, fondamental dans la répétition, cette répétition qui résiste, qui caractérise l'homme. Bien, c'est que la vérité n'a pas d'autre bizarre. Je ne crois pas qu'on est fou. La vérité, ce n'est pas non plus un acte de visage, enfin, elle en a plus d'être. Mais justement, ce qui doit être. Ligne de conduite à nous tenir pour ce qui est des analystes, c'est comme ça à être un peu en méfiance, à ne pas devenir tout d'un coup fou comme ça du premier lit noir rencontré. Je peux te dire si c'est justement là que nous rencontrons ce remarque de Freud, et accompagné de ceci, Das Heist, dans le dernier calendrier, c'est bien en effet la tour, peut-être. Il y a comme ça un réel tout naïf, en général comme ça qu'on part, et qui se fait passer pour la vérité, puis après ça, la vérité, ça s'éprouve. Mais ça ne veut pas dire du tout pour autant que la connaissance du réel soit aussi en part du connaître. Peut-être si vous souvenez idéalement de ce que je l'ai dit, l'étape où c'est à se trouver défini comme impossible à démontrer très peu le registre d'une articulation symbolique de la réelle place où permettra de chose visible, quelque chose simple, à mesure d'être à nous pour la vérité. La vérité, si ce rêve, c'est l'infini, c'est l'impossible, c'est bien là ce qui est nature, qui nous fait toucher du doigt, quoi que, permettez-nous, éduquez-nous, analysez aussi. Et pourquoi pas faire des pour compléter une définition, ce qu'il en serait du discours de l'hystérie. Eh bien, c'est en effet les opérations qui sont à très proprement parler impossibles. C'est pour ça qu'elles sont là. Qu'elles sont là et qu'elles tiennent le tout vraiment bien. En nous posant la question de ce qui en est la vérité. C'est de savoir comment ça se produit, ces choses-là, qui précisément se définissent dans le réel, de pouvoir, quand on les apprend, être articulé comme impossible. Il est clair que leur pleine articulation comme impossible, c'est justement ce qui nous donne le risque. La chose entre vous, de leur réel, si l'on peut dire, est clair. Si nous sommes une force ça les est pour ça. Si on peut, dans les couloirs et labyrinthes de la vérité, c'est justement, il y a quelque chose qui fait que la part. Et pourquoi sans l'étonner, pour ceux de ces discours qui sont pour neufs. J'ai pas bien entendu qu'on n'aurait pas déjà eu un bon trois quarts de siècle pour envisager les choses sous cet angle. C'est souvent dans le fauteuil, mais pas pour la meilleure position, serait impossible. Quoi qu'il en soit, nous en soyons tous à tournailler dans cette dimension de l'amour, de la vérité, dont tout indique justement qu'elle nous fait glisser entre les doigts tout à fait l'impossibilité de ce qui se maintient au réel. Très précisément au niveau du discours humain. Eh bien, c'est cela qui nécessite la référence à ce que, heureusement, discours analytique nous permet d'entrevoir, d'articuler exactement. C'est en quoi il est important de voir tout le monde. Bien persuadé, il y a aussi tout ça. Enfin, c'est pas ça, mais enfin, ils peuvent très bien le déplacer de façon qu'il y ait des chances d'obtention. Je vous dis pas que ce soit le vieil Archimède. Je ne vous dis pas que cela est la moindre prétention à renouveler le système. Ni la pensée de l'histoire. J'indique que mon analyse met au régime de recevoir un certain nombre de choses qui peuvent paraître comme ça par le hasard des rencontres et les rendre. C'est pratique un peu l'habitude. Après tout, je ne l'ai jamais rencontré qu'un geste. Je ne l'ai jamais rencontré qu'un geste. Très probable. Comme tous les Français éduqués, une certaine période, ils n'ont même pas soupçonné que la phénoménologie de l'esprit c'était quelque chose. L'impossibilité de l'analyse personnelle, c'est que l'obstacle à son schéma, à son schéma, ceci seul pourrait peut-être au dernier terme introduire une tasse de réalité, pas de vérité. C'est pas mal. Non, voilà, entre nous et la réelle et la vérité. La vérité, c'est une vérité. On sait un jour comme ça, on va les dire tous les secrets. La chair dite seule de la puissance. C'est vrai, déjà, vous êtes revenus à la terre. Moi, j'espère que c'est revenu à la terre de certains d'entre vous. Au moment où ce que je vais accentuer, quand j'ai l'étape, dans cette relation indiquée ici, une flèche, un sens, se définit toujours comme impossible de savoir comment faire. Impossible qui est un maître. Qui passe comme ça marcher sur l'eau. Travailler les gens, c'est encore plus pratique. Travailler soi-même, soi-même, allons plus loin. L'être n'est jamais plus. Ainsi, nous signifions l'être. Nous devons travailler. C'est ça dont il faut partir, qui est tout à fait possible. Et tout simple, toujours. Alors, l'impossible, qui est bien de la vérité à la première vue, c'est de voir si, comme déjà c'est compliqué, au terme de vérité, ça ne serait peut-être pas au niveau de la seconde. On aurait le fameux. Voilà, on va voir au niveau de la seconde. Il n'y a pas la moindre flèche. Je ne demande pas de communication. Mais il y a à proprement parler quelque chose qui en tue. Et c'est à proprement parler ceci. C'est que ce qui résume, au moins à ce premier niveau, travail, c'est ça. La petite perte, un homme Marx, c'est d'avoir donné tout son poids à ce terme. Et ce à quoi s'emploie le travail. Et vous le connaissez déjà. Ça s'appelle la production. Eh bien, c'est de s'apercevoir que cette production, quels que soient les signes, les signifiants mêmes, viennent s'inscrire dans cette place. Ça n'a en tout cas aucun rapport avec la vérité de la chose. On veut faire tout ce qu'on veut, on veut faire tout ce qu'on veut. On peut essayer de rejoindre cette production avec des besoins qui sont des besoins de la part. Il n'y a rien à faire. Et un rapport de production avec la vérité, il n'y a pas moyen de sentir. Toute impossibilité, quelle qu'elle soit, de ce terme, nous mettons ici en jeu, s'articule de vivre de ceci. Que si elle nous laisse en haleine, c'est que quelque chose la protège. Et nous appellerons impuissance. Au niveau du discours universitaire, par exemple, nous devons se ramener au dans cette position d'une prétention insensée d'avoir pour production, un être pensant, un sujet, eh bien, il n'est pas question d'un sujet. Il puisse s'apercevoir à un seul instant comme un être du savoir. Ça se touche là, d'une façon sensible, mais bien sûr, ça remonte mieux au plus. Car au niveau du discours du maître, ce discours du maître que, grâce à Hegel, je me permets de présupposer, là, comme vous allez le voir, nous ne le connaissons plus maintenant que sous une forme considérablement modifiée. Malgré tout, c'est une construction, c'est une reconstruction même, ce plus de jouir que j'ai articulé cette année, et qu'il paraît important, ce plus de jouir que je n'ai au départ, comme support pour nous faire, mais méfions-nous, c'est bien ça qui est dangereux. Tout de même, il y a bien sa force de s'articuler ainsi. Dans ce qu'à lire, tout de même, les gens qui n'avaient pas lu Hegel, à lire Aristote principalement. C'est que ce rapport du maître à l'esclave, du lui vraiment lui faisait problème. Il en cherchait la vérité. La vérité, c'est vraiment magnifique de voir dans les trois ou quatre passages de la façon de s'en sortir, qui va dans une voie. Et une différence de nature vous sortirait le bien, n'est-ce pas? Lui n'est pas un professeur d'université. C'est pas un petit rusé, déjà. Sans bien que quand il est dans ça, ça dérape, ça glisse de tout bas. Il n'est pas très sûr, ni très chaud, il n'impose pas sa opinion. Mais enfin, il sent que c'est de ce côté-là qu'il pourrait y avoir quelque chose qui modifie par rapport du maître et de l'esclave. Oh, s'il n'était pas du même sexe, ça serait vraiment sublime. Si c'était l'homme et la femme, là, je laisse croire. Il y aurait un espoir, mais heureusement, c'est pas comme ça. Ils sont pas de sexe différent. Les bras lui ont tombé. Alors, ce qu'on voit bien, quand il s'agit, c'est qu'on nous croit ce plus de ce savoir ce que le maître reçoit du travail de l'esclave. Ça semblerait aller tout seul, ce qui a diminué, c'est personne ne sent ça. C'est justement, c'est là qu'il y a un excès de matière, c'est que ça ne va pas du tout. Le savoir qu'il y a des problèmes politiques, qui sont là, et l'éthique à Nicolas, et puis il y a l'éthique à l'éthique à l'éthique à l'éthique à l'éthique à morale, et puis on n'en sort pas ce qui veut finir. On ne sait pas qu'en fait. Ça veut dire quoi? Faut qu'on en vienne, le premier à mettre au cœur du monde le souverain bien de. Maintenant qu'on en soit aussi en paix près que la personne qui n'en parle. Le bloquant, c'est à la portée de la main. Il va jouir tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est moi ce que dénonce, ce qu'atteste. Nous sommes dans l'identité par laquelle il faut repasser face à ces merveilleux tours de passe, repasse et hors. Le masochisme politique et distanciel. Et là, c'est que ça ne peut pas se faire en tant que plus de génie. Quelque chose qui s'installe tranquillement comme le sujet, mais. Et puis, si nous prenons le discours de l'hystérique tel qu'un article, mettez le S barré en haut à gauche, le S1 et S2 à droite, et le petit A à la place de la vérité, ça ne peut pas se faire, non plus, qu'en tant que production de savoir. Se justifie, se motive, la division, le déchirement symptomatique de l'esprit. En tant que sa vérité, c'est qu'il lui veut être l'objet qui partout, pour la plaisir à tout. Le objectif passe un peu vert, en fin de compte. Quoi, bien entendu, les hommes à Paul, eux, ils ne peuvent pas bien entrevoir de passer par le saut. Autre signe de la puissance, trouvant la plus subtile des impossibilités. Et puis enfin, au niveau du discours de l'analyste, qui curieusement, le 44 pour la projection, c'est assez curieux. L'histoire d'un peu que le discours vient. Puisque c'est l'esprit qui vient d'abord. Peut-être justement, tout de même, si on a fait ces trois quarts de tout, et quand même, comme je le disais la dernière fois, quand j'ai quitté la scène, c'est peut-être que c'est le discours de la médecine qu'on peut surgir. Un autre style de signifiant maître, quoi qu'il en soit, qu'il soit un autre style ou pas, d'abord, ne pas venir à la veille du jour où on sera clair. En tout cas, au moins pour l'instant, nous sommes tout à fait impuissants à leur apporter à ce qui est en jeu dans la position de la question. Savoir ce qu'il présente, mais aussi comme une séduction de vérité. Nous essayons sans rien à vous. Sur ce qu'en principe il représente, parce que j'accentue l'accès, le relief de cette impossibilité de sa position. Ce qui se met en position de représenter, d'être l'agent, la cause du désir. Voilà donc. La relation entre ces termes. Disons quatre, je veux dire qu'il y en a quatre, car celui que je n'ai pas nommé est évidemment celui qui est innommable, parce que c'est sur son interdiction que se fonde toute cette structure, c'est à savoir la jouissance. C'est du tout de la vue. La petite lucarne, le regard qu'a apporté l'analyse nous introduit quelque chose qui peut être des marches fécondes, non pas de la pensée, mais de l'acte. Et c'est en ça que se parle de l'émotion. C'est que c'est pas autour du sujet, quelle que soit la fécondité qu'on montrait, cette interrogation historique. Cette interrogation historique dont je me dis qui l'introduit en premier dans l'histoire. C'est pas là parce que l'entrée du sujet comme agent du discours a eu des résultats très surprenants dans le premier récit de la science. Le c'est là que ce sera la clé de tout le ressort. La clé est autour du questionnement de ce qu'il en est de la jouissance. La jouissance, elle est limitée par des processus naturels. Pour dire la vérité, nous ne savons rien de ces processus naturels. Nous savons simplement que nous avons effectivement considéré comme naturel la douilletterie dans laquelle nous entretiens les sociétés. Nous devons appartenir à ceci, très bien sûr, que chacun meurt d'envie de savoir si de sa fraîche, si ça faisait vraiment mal. Tout cette rentrée. Il s'agit de l'anarchisme, de l'anarchisme, de notre aimable ambiance sexuelle. Ceci est tout à fait futile, voire secondaire. On doit prendre ceci. Naturel ou pas, c'est bel et bien lié à l'origine d'être de l'entrée en jeu du cimetière, qu'on peut parler de jouissance. Il ne sera jamais fait ce dont jouit l'huître ou le castor. Personne ne sera jamais fait parce que faute de cimetière, il n'y a pas de distance entre sa jouissance et son corps. Sont au même niveau que la plante, qui après tout, en après tout, il nous a jouissant sur ce plan-là. Et c'est très exactement de façon corrélative à la forme première de l'entrée dans le monde du regard, la marque. Ce trait vert, et si vous voulez bien, une marque pour la mort, si vous voulez lui donner du sens, observez-vous que rien ne prend de sens que quand on entre en jeu la mort. C'est à partir de ce clivage, de cette séparation de la puissance, désormais mortifié. Jeu d'inscription, une contre-marque, le favori du trait c'est à partir de ce moment-là une question se pose. Il n'y a pas besoin d'attendre que le sujet se soit révélé bien caché au niveau de la vérité du maître. On voit très bien qu'après tout, sa division n'est rien d'autre sans doute que cette ambiguïté radicale qui s'attache au terme même de vérité. L'ordre du discours. Laisse quelque chose dans une bêtise qui fait penser. Comment être sûr qu'à suivre son fil, nous ne ferons jamais de suivre un conduit de ce qu'il nous apporte de plus. Mais c'est le mieux qu'il nous faudrait vraiment savoir. Pour répondre à la question par laquelle pour savoir ce qui se passe au niveau actuellement du discours universitaire. C'est une contraire de ce discours universitaire. S'il est solidement détaché que, peu d'entre vous le suivent, c'est ceci. C'est que ce que Marx a démontré, je dois dire, sans en montrer en relief, que ce qui en est de la production s'appelle non pas plus de fuir, mais plus-value. C'est-à-dire quelque chose qui, à partir d'un certain moment de l'histoire, et nous n'allons pas lui casser les pieds à savoir si c'est à cause de Luther, ou de Calvin, ou je ne sais quel trafic de navires autour de Gênes, ou dans la mer Méditerranée, ou ailleurs. Important, et ceci, c'est à partir d'un certain jour, le plus de jouir se cote, se comptabilise, se totalise, et que là commence ce qu'on appelle accumulation capitale. Sentez-vous par rapport à ce que j'ai énoncé tout à l'heure, de l'impuissance à faire le choix a plus de fruit à la vérité humaine. Le pas gagnant, je ne dis pas que c'est le dernier qui est décidé, l'impuissance de cette chose est tout d'un coup vidée. À partir du moment où la plus value s'achève dans la capitale, pas de problème, c'est homogène. Nous sommes comme vous, nageons tous, grâce au temps béni, nous vivons dans les valeurs. Mais c'est qu'à partir de ce moment-là, il y a pas de problème, ce qui ne semble pas voir. C'est que signifiant même, ce que tu dis, aéré, si je puis dire, vers les nuages de la puissance. Non apparaît tout plus inattaquable, justement dans son impossibilité, où est-il? Comment le nommer? Comment le repérer, sinon dans ses effets, bien sûr, meurtriers? Dénoncez-en l'impérialisme. Et comment l'arrêter, ce antimérialisme? Alors, cause qu'il y a un effet de discours universitaire, je voudrais tout de même voir que il ne peut pas y avoir ailleurs, justement. Une chance que la chose tourne un peu. Comment on va bien te l'indiquer? Comme vous le voyez, je vais là. Car enfin, l'objet petit à petit, il vient à la place qui est en jeu chaque fois que ça bouge. La place de l'exploitation plus ou moins tolérable. Non, j'ai une petite dame, mais c'est ce qui me permet d'introduire un petit peu d'air dans cette fonction du dessus. L'objet petit A, c'est ce que vous êtes tous en tant que rangé là. Autant de fausses couches que ce qui a été, pour ceux qui vous ont engendré, de cause du désir. C'est là que la psychanalyse vous apprend que vous avez à vous y retrouver. On ne casse pas les pieds à vous dire. Je serais bien de faire remarquer à ceux qui s'agit ici ou ailleurs qu'il y a un monde entre la fausse couche de la grande bourgeoisie ou celle du prolétariat. Après tout, fausse couche de la grande bourgeoisie, en tant que fausse couche, ne pas forcément traîner tout le temps avec elle sa couverture, une certaine prétention. Se situer dans un point comme ça, qui serait particulièrement illuminé, illuminable, ce qui pourrait arriver à bouger, de ces rapports, je ne peux même pas penser les choses au point de ce petit souvenir que je vous lis. Personne comme ça qui m'accompagne ou bien moins pendant 2 à 3 mois, mais pendant ce qu'on écoutait, vous appelez la folle jeunesse, une ravissante, qui me disait, moi je suis durable par le large. On n'a jamais tout à fait fini avec la ségrégation. Même je peux vous dire que ça ne fera jamais à reprendre de plus belle que même quand on se le sens impossible par l'autre. Quoi qu'il en soit, que soit ici, en tant que le petit âge, je bouge une forme du monde, tout ce qu'on se couche qu'elle soit, manifeste, que les effets du langage tiennent en tout cas un niveau auquel ça ne s'arrange pas. C'est au niveau de ceux qui ont produit les effets du langage. Puisqu'aucun enfant n'est né sans avoir l'affaire astrafique par l'intermédiaire d'un arbre dit progéniteur, c'est-à-dire qui est pris dans tous les problèmes du discours, avec bien sûr aussi derrière la génération précédente. Et bien c'est à ce niveau-là qu'on devrait vraiment savoir si on veut que quelque chose de tout, on veut bien sûr avec tout, mais je me souviens assez au dernier terme. Bien sûr avec tout, mais je me souviens assez au dernier terme. Ce n'est certainement pas par progressisme. C'est surtout que je ne veux pas être tourné. L'existant ne veut pas sa grâce. Là où on somme les fins questions. Donc, sa mise en face à quelque chose qui s'appelle écrit. Est-ce que ça a jamais existé? Oui, sans doute. que les anciens que nous avons après tout meilleurs. Et après ça, à tout au long des âges, des choses que nous n'avons pas même classiques, en quelque sorte, comme bien pour les anciens. Au niveau où les choses se battent, qu'est-ce que peut espérer ceci, ce point d'osculation, tout ce qui reste du corps de notre Dieu, le savoir, se nourrit pour nous, ce chien, ce regarde, ce cri, ce braille, la voix. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je j'essaierai de vous dire la prochaine fois, si vous me suivez, la grève de la culture.